tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour, nous sommes en été et il y a 50 ans tout juste, nous étions, phénomène étrange, également en été. Été chaud et sec ou pluvieux et glacé. Chaud, sans doute, si l'on considère l'émission qui vient, enregistrée en extérieur. On n'abandonne pas les studios de l'ORTF pour les rues de Paris s'il pleut ou s'il vente. C'est donc Harold Portnoy que nous retrouverons, quitté hier près de la Seine et de Notre-Dame, et qui, pour prolonger et enrichir sa série « Un été à Paris », a gagné les environs du Louvre. Des touristes, bientôt on pourra en accueillir encore plus grâce aux avions gros porteurs. L'air de Paris, un air pur, apparemment, quand on est en terrasse sur les grands boulevards ou vers l'Opéra à 6h du soir. Les berges que l'on aménage pour la voiture, bien sûr. Les Français, difficile à rencontrer, qui n'aiment pas trop que l'on vienne chez eux voir comment ils font la cuisine. Après un été à Paris, direction le sud-ouest, Rodez, sa bibliothèque, en cette année 1967, où tout le monde aime lire. Tout d'abord, un été à Paris. Recherche de notre temps. Recherche de notre temps, une suite d'émissions composées par Colette Garrigue, Harold Portnoy et Robert Vallet. Un été à Paris, par Harold Portnoy. Aujourd'hui, troisième émission, Mona Lisa de tous les cœurs, avec la participation de Pierre Darigrand, secrétaire général du comité de tourisme de Paris, ainsi que des témoignages. Nous flânons dans l'île de la Cité, nous venons de parcourir l'île de Saint-Louis, et puis maintenant nous retournons dans l'île de la Cité. C'est très joli par le soleil, surtout parce qu'il y a longtemps que nous ne l'avions plus vu depuis que nous étions partis du midi. Et il fait beau, c'est magnifique, enfin. C'est... Vous habitez le midi? Oui, oui. Vous êtes en vacances à Paris? Enfin, en vacances, nous campons à Versailles. Et alors nous faisons la navette le matin et le soir pour visiter Paris. Et qu'est-ce que vous allez voir à Paris? Eh bien, vous voyez, comme tout touriste, nous suivons notre guide, hein, approximativement, quoi. Et nous visitons ce qui est le plus typique, hein, de Paris. C'est-à-dire? Nous avons vu la Tour Eiffel. Sacré-Cœur. Notre-Dame. Sainte-Chapelle. Bateau-mouche. Bateau-mouche. Oui. We tried to go to the sewers, didn't we? Yeah. But we weren't able. Nous avons essayé voir les égouts, mais il y a beaucoup de personnes. Ben voilà, il y a beaucoup d'étrangers en ce moment, vous voyez, où c'est un bien d'ailleurs. Ils ont l'air d'être enchantés de venir voir Paris, quoi. Parce que dans le fond, Paris, c'est quand même une belle ville, hein. Il y a des choses formidables à voir à Paris. Celui qui veut réellement voir, ben, il lui faut des semaines et des semaines pour tout voir. Hein. Et vous, qu'est-ce qui vous a dernièrement particulièrement frappé dans Paris? Ben, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est déjà les souterrains qu'ils ont fait là, ici sur la place de la Concorde. Ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà un grand pas vers l'avenir pour les automobilistes. Et puis alors, tout ce qui est en construction le long de la berge, là. C'est pas mal non plus, ça, quand ça sera en activité. Alors là, je crois qu'on pourra traverser Paris assez facilement. Et au point de vue monument, au point de vue, enfin, chose à voir. Bah, vous savez, les monuments ici, on voit la Tour Eiffel, on la connaît, on y retourne parce que c'est agréable. Hein, on y monte plusieurs fois même. Et qu'est-ce que je veux dire, il y a l'Arc de Triomphe aussi, pas mal. Puis je vous dis, la place de la Concorde, évidemment, il y a une petite animation qui est un petit peu... Enfin, elle est fluide pour l'instant, mais on voit beaucoup de promeneurs étrangers qui s'intéressent à... et qui demandent ce que c'est que ça, tout ça. Il y a pas mal d'étrangers qui m'ont arrêté, qui m'ont demandé pour aller à tel endroit ou pour aller voir les musées, par exemple. Ou pour aller même à la Tour Eiffel, bien qu'elle soit pas bien loin, mais ils savent pas exactement, alors ils demandent, ils essayent de se renseigner. Oui, les directions sur la route, sur les routes, il a dit à gauche ou à droite, mais ce n'est pas au gauche ou à droite, c'est en avant. It is a bit difficult, isn't it? Ouais, c'est-à-dire que les Parisiens ne se rendent pas compte de l'extrême difficulté. Enfin, on dit devant, derrière, mais c'est pas assez précis pour les directions, c'est ça? C'est pas assez indiqué. Mm. Et qu'est-ce que vous allez voir à Paris? Une visite. Pour tour. Tutto quello che è possibile vedere. Notre Dame, Torre Eiffel, cos'è ora la Chapelle? Montmartre, Sacro Cor. E poi dov'è che si deve andare? Una gita sul Tamigi stasera. Sulla Senna. Veniamo da Londra, quindi c'è Tamigi. ancora qui. Ça fait, c'est la première fois que vous venez à Paris? C'est la première fois. La première fois. Quelle impression? Buona. Molto bella, molto bella. Soddisfatto. Soddisfatto. E che le gusta? Un po' tutto. Musei, cattedrali. Che professione, che lavoro? Che professione fa? Commerciante. Commerciante. Professore. Prete. Ah. Operaio. Impiegato, vieni, andiamo impiegati, va, operaio. Vieni, buona giornata. Grazie. Au revoir, merci. Vous aimez Paris? Qu'est-ce qu'il met? Vous aimez, like to like? Oh oui, c'est bien, Paris, c'est bien pour moi. Mais c'est cher pour étudiants. Il est né en 1949 d'une décision du gouvernement. En effet, les comités de tourisme sont créés par des arrêtés. Mais assez paradoxalement, c'est tout de même un organisme de nature publique, mais de statut privé. Le comité de tourisme vit des subventions de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui lui donne la moitié de ses ressources, des subventions du Conseil municipal de Paris, qui donne les trois quarts de la moitié des ressources, et du Conseil général de la Seine, qui donnait donc un quart de la moitié, autrement dit un huitième. Le personnel du comité de tourisme est relativement léger. Il comporte essentiellement des hôtesses d'accueil. Ces hôtesses sont réparties dans 6 bureaux. Puis-je de vous demander vos impressions? Excellent, comme toujours. Vous venez souvent au Louvre? Ah, pas souvent, mais tout de même de temps en temps. Vous êtes de quelle nationalité, monsieur? Tchécoslovaque, de Prague. Et puis-je vous demander quelle est votre profession? Je suis travailleur scientifique, si vous voulez. Docteur en chimie. Et vous êtes à Paris depuis combien de temps? Depuis 2 jours, cette fois-ci. Et vous restez longtemps? On va faire une tournée ici en France avant de rentrer en Tchécoslovaquie. Et vous êtes allé au Louvre voir quelque chose de particulier ou faire une visite globale? En général, parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir, selon moi, plusieurs fois. Et l'art moderne, la peinture moderne, est-ce que ça vous plaît aussi? Ah, vous savez, monsieur, on est chimiste. Donc, l'art moderne n'est pas encore assez mûr pour être analysé. Vous avez l'impression que les choses intéressantes en art sont des choses qui peuvent s'analyser. Oui, mais c'est comme ça. C'est la vie, dans la vie comme ça. Vous avez l'impression que ce qui s'applique aux sciences s'applique également à l'art. Il faut entrer dans la vie avec beaucoup de sciences. Sans ça, ça ne colle pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que ça ne colle pas si on n'entre pas avec... Qu'est-ce que vous entendez par science ? Je parle de sciences exactes, si vous voulez. Mathématiques et la chimie. Même aussi la physique. Puis-je vous demander votre âge ? 58. 58 ans. Oui. Et vous avez l'impression que cette espèce de rigueur, cette rigueur dont vous parlez, s'applique à tous les domaines de la vie, enfin, c'est... Nécessairement, que... monsieur. Parce que je pense à l'art particulièrement. Enfin. Oui. L'art doit être fondé par les sciences, si vous voulez. De quelle façon ? Écoutez, s'il n'y a pas la chimie, il n'y a pas de couleur, par exemple. S'il n'y a pas bon chimiste, donc, il n'y a pas bon peinture, si vous voulez. Bon étoile, si vous voulez, n'est-ce pas ? Ça doit précéder, mais... À l'époque, à travers des siècles, c'était déjà auparavant comme ça. Conseil aux touristes, extrait de guide de Paris. Pour respirer l'air de Paris, asseyez-vous à la terrasse d'un café vers 6 heures du soir au rond-point des Champs-Élysées ou place de l'Opéra ou sur les boulevards place Clichy ou place Pigalle. Dans certains quartiers, il est parfois difficile de reconnaître les femmes légères. À Paris, il y en a pour tous les prix. Un petit rien parisien donne tant de chic. Sacré-Cœur, Basilique Nationale, messe toutes les heures de la matinée, 18h30 et 22h15. Confession, français, anglais, allemand, italien, espagnol, polonais. Trésor, entrée 1 franc. Métro, Château Rouge, Abbesse, Anvers. À Paris, plus de 90 musées vous attendent. Ne quittez pas Paris sans voir la Joconde. Au Louvre, la Joconde, expression achevée du mystère de la femme. Soyez éblouis à votre tour par Mona Lisa del Giocondo, tableau unique au monde. Mona Lisa, depuis des générations, défie les critiques d'art. Que se cache-t-il derrière l'énigmatique sourire de Mona Lisa ? Je crois que Mona Lisa, c'est un peu notre Parthénon, à certains points de vue. J'ai rien contre. Moi non plus. Mais il y a des gens qui, depuis qu'ils sont enfants, rêvent de voir la Joconde. Ils y viennent, ils le voient, ils sont éblouis au-dessus, ils sortent, ils ne pensent qu'à ça. Et alors, il y a autre chose qui les a frappés, ils n'y pensent pas tout de suite, ils y reviendront, et notre rôle, c'est qu'ils y reviennent, c'est de faire en sorte qu'ils y reviennent. Malheureusement, la durée moyenne du séjour du touriste, évidemment évaluée sur toute l'année et non pas sur l'été seul, la durée moyenne de séjour est comprise entre 36 et 48 heures. Lorsque vous savez qu'un Américain dépense en moyenne entre 35 et 40 000 anciens francs par jour à Paris, vous voyez la recette supplémentaire que représenterait une attraction qui leur permettrait de rester 12 heures. Quand je dis permettrait, c'est plutôt qui les inciterait à rester 12 ou 24 heures de plus à Paris. Je crois que les investissements qui seraient faits seraient vite récupérés. Et ceci, c'est malheureusement un des éléments sur lesquels on ne s'est peut-être pas suffisamment penché en France. Je travaille dans un hôtel, l'hôtel Continental. Cette année, on a très peu d'étrangers... Vu la politique, J'ai l'occasion de discuter avec pas mal d'Américains. Ils me disent que c'est au sujet, déjà, premièrement, de la politique. Oui, vous travaillez beaucoup avec les Américains à l'Hôtel Continental. Oui, je travaille avec les Américains. Ils sont peut-être pas très chauds en ce moment. Ben non, ils sont pas très chauds. Déjà, premièrement, en Amérique, ils font une certaine publicité pour empêcher l'Américain de venir en France. Non, mais réellement. Oui. Ils se manifestent comment ? Par des prospectus dans les agences, déjà premièrement, parce qu'au Continental, nous avons pas mal de touristes, mais des tours de luxe, vous voyez, des voyages organisés. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup d'Américains, ils me disent, c'est au sujet de la politique. Ce que je trouvais étonnant. Ils disent également qu'en France, c'est très cher. C'est très très cher. Est-ce qu'on a des idées sur les niveaux socio-économiques des étrangers qui viennent ? On n'a pas d'idée précise sur les niveaux socio-économiques, mais ce qu'on sait, c'est l'évolution. Le voyage devient de moins en moins cher, de moins en moins coûteux, et nous sommes à l'ère, au début de l'ère du voyage. Ce que nous voyons n'est absolument rien par rapport à ce qui va se passer dans 5 à 10 ans, lorsque les avions gros porteurs arriveront. Le problème sera pour nous d'accueillir ces avions gros porteurs à Paris, nous en sommes incapables. On ne peut pas loger 400 ou 500 personnes dans un même hôtel à Paris, pour l'instant. Alors, ceci sera également favorable à une évolution vers un transport de moins en moins coûteux. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que nous voyons des gens de plus en plus modestes qui viennent à Paris, et surtout de plus en plus jeunes. Je crois que l'élément essentiel du tourisme depuis 3 ans, c'est son rajeunissement. Ce qui suppose des moyens d'hébergement très bon marché, nous les avons avec les auberges de jeunesse, les gîtes ruraux, enfin un certain nombre d'organisations qui commencent à accueillir les jeunes pour des prix vraiment assez bas. En revanche, nous avons un certain nombre de difficultés pour l'hébergement, la nourriture, de ces touristes modestes, quelquefois pas tellement modestes, mais peu habitués à payer des prix français, qui sont des prix comparables à ceux des grands pays développés, des grands pays industriels. Je pense en particulier aux touristes du Moyen-Orient ou d'Orient, avec lesquels nous avons des difficultés. Il n'y a pas de doute que l'arrivée, par exemple, au moment de Pâques, qui est le moment le plus tendu pour nous, de touristes venant de très grands pays orientaux, nous cause des soucis parce que ces gens n'ont absolument pas l'habitude de payer des prix normaux et même bas pour des pays industriels comme la France. Si pour une raison ou pour une autre, vous vous trouvez dans la gêne, demandez conseil à votre ambassade ou à votre légation. Pour faire cirer vos chaussures, laissez-les le soir à votre porte. Le valet de chambre doit s'en charger. Si votre avion est équipé avec la radio, vous pouvez atterrir au Bourget. Sinon, à Toussus-le-Noble, à 17 km de Paris. Cercle du Bois de Boulogne. Avantages, tennis, tir au plateau, restaurant, bar, bridge. Droit d'admission et de cotisation, 200 000 francs, anciens. Si vous perdez votre portefeuille avec votre argent, adressez-vous au bureau des objets trouvés, 36 rue des Morillons, Paris 15e. À la sortie des boîtes de nuit, on trouve souvent des taxis sans compteur. Faites votre prix avant de monter. Dans un restaurant à prix modéré, donnez un pourboire de 10%. Dans un restaurant moyen, 12%, et dans un restaurant de luxe, 15%. Le pourboire au sommelier est facultatif. De toute façon, soyez discret. Ne froissez pas la susceptibilité de ceux qui vous servent. Quelle impression, Paris ? Très belle. Vraiment ? Oui, vraiment. C'est magnifique. c'est... Oh. Je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il vous arrive de visiter le Louvre, enfin, vous ? J'en sors, oui. Ah, vous êtes allé ce matin ? Oui, j'en sors. Et vous êtes allé voir quelque chose de spécial ou... Je suis allé voir justement les visiteurs, me rendre compte de... Enfin... Ce sont les visiteurs que vous avez été voir. C'est ce qui m'intéresse, leur pittoresque, enfin leur nationalité différente. Et sans indiscrétion, vous en faites une profession ou vous Non, faites non, ça non, pour du tout, plaisir? C'est pour moi. C'est pour moi. Ça m'intéresse fort. Comme je vais dans les gares, mais en ce moment, je trouve que le point culminant, ce sont les musées, justement. Enfin... Qu'est-ce que vous recherchez particulièrement? Et le pittoresque. Et puis, je vous demandais ce que vous mettez derrière ce mot. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot pittoresque? Eh bien, tout le folklore que chacun apporte. Vous pourriez situer comme ça verbalement alors quelques silhouettes, enfin par exemple l'anglo-saxon, vous le définiriez comment ? L'anglo-saxon, c'est une grande ligne avec beaucoup de verts, beaucoup de couleurs, et le cheveu blond. Et l'italien ? L'italien a des gestes plus ronds, plus spontanés, si l'on peut dire. Plus extériorisé, plus extériorisé, oui. Et l'américain ? Et l'américain fait plus dynamique, plus... plus décontracté, si l'on peut dire. C'est différent. Et quels sont ceux qui vous intéressent particulièrement ? Tous m'intéressent, tous ont leur point culminant, tous ont leur intérêt, sans aucun doute. C'est ce qui me passionne, d'ailleurs, parce qu'ils sont tous intéressants, des degrés différents, mais ils sont tous intéressants. Et le français, il se remarque par quoi ? Le français par quoi ? Vous savez, vous tombez. Moi qui ne sais pas très bien m'exprimer, je m'exprime mieux avec un crayon. Les Français s'estiment, à juste titre peut-être, un peuple remarquablement cultivé et ont tendance à considérer les étrangers comme des gens non cultivés. Ce qui est déjà une première erreur. La deuxième chose, c'est que pendant des années, les gens sont venus en France sans être attiré simplement par le seul nom de la France, par le seul prestige de Paris, alors que maintenant, beaucoup de pays, en particulier les pays sous-développés, font des efforts pour les attirer. Il y a concurrence. Le troisième élément, c'est que les étrangers, et les Français d'ailleurs, commencent à être beaucoup plus difficiles quant à l'accueil parce qu'ils sont allés ailleurs et qu'ils peuvent comparer. Un autre élément, qui est essentiellement alors celui-ci sociologique, est que j'ai trouvé, à force de réfléchir à ce problème du mauvais accueil des étrangers, le français est d'origine paysanne. Tous les paysans, dans tous les pays du monde, ont un réflexe de défense à l'égard des étrangers. Ce n'est pas en une génération que ce réflexe s'efface. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ce bureau, qui est le principal bureau d'accueil de France, je crois, puisqu'il doit défiler ici entre 80 et 100 000 étrangers tous les ans, on me pose très souvent la question suivante. Comment pouvons-nous faire pour rencontrer des Français ? Le Français ne reçoit pas chez lui. C'est comme ça, il ne reçoit pas chez lui. Là aussi, je peux vous trouver un certain nombre d'explications, celles que je viens de vous donner, et une autre, c'est que le Français n'aime pas qu'on vienne voir la façon dont il fait la cuisine. Et à l'étranger, au contraire, les maîtresses de maison étrangères ne répugnent pas devant la pénétration d'un inconnu dans leur cuisine. Le Français invite au restaurant, il n'invite pas chez lui. Avec la disparition du service, ce n'est plus possible d'empêcher les gens d'entrer dans votre cuisine. Vous me direz que c'est prendre la chose par le très petit bout de la lorgnette, mais c'est la vérité, ça existe. Ce sont des choses comme cela qui existent. Le Français ne reçoit pas simplement. Il semble, à travers tous vos propos, que on ne prend pas assez en considération la vie de Paris l'été. C'est tout à fait mon avis. Comité de tourisme de Paris, qui a été adopté par 18 villes de France réunies dans l'Accueil de France, dont je suis également secrétaire général. Cette charte est un peu la suivante. Premièrement, être gratuit. Tous nos services sont entièrement gratuits. On ne dépense jamais un sou au comité de tourisme de Paris. La deuxième vocation du comité de tourisme de Paris, c'est de soutenir un certain nombre de manifestations. Sa troisième vocation, c'est la propagande. En dehors des chambres d'hôtel et en dehors des visites, des heures de visite, des heures d'ouverture, des musées, des différentes manifestations, qu'est-ce qu'on vous demande encore ? Tout. Je ne peux pas vous donner une liste limitative, mais on nous demande tout. Je vous donnerai par exemple un exemple très curieux. C'est celui de ce jeune couple, un Turc et une Allemande, qui sont venus nous voir un samedi soir en nous disant « Nous voudrions nous marier, que faut-il que nous fassions ?» Eh bien, 15 jours après, ils étaient mariés grâce à l'hôtesse qui était là et qu'ils ont d'ailleurs invité à leur mariage. Un jour, la mère supérieure d'un couvent m'a demandé si le spectacle de Roland Petit, Notre-Dame de Paris, était convenable pour des religieuses hollandaises. On nous demande à peu près tout. On m'a demandé un jour où on pouvait se procurer une mitrailleuse à Paris. On nous demande la façon de transporter un boa en Amérique. Je vais pas rester ici, moi, parce que vous savez, je vais fiche le camp d'ici. Comment ? Je vais fiche le camp d'ici. C'est un désert à Paris, on y est anonyme. Alors les gens capables, les gens propres sont mélangés à tout le monde, toutes les crapules et tout ça, et voilà. Et puis c'est... Et moi, ce qu'on m'a fait, je vais vous le dire, une fois j'ai dessiné la Pietà de Michel-Ange par terre, quelques fois pour me dépanner, on a eu l'audace de me dresser une contravention, on m'a fait payer 6000 francs, voilà ce qu'on m'a fait. Et je suis un artiste reconnu par le ministère des Affaires culturelles. Voilà. Je suis bien content de vous dire ça, vous voyez. Et je vais vous dire quelque chose, je n'aime Paris ni l'été ni l'hiver, moi. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà eu la chance de m'y faire une situation, quoi, puis c'est tout. Et j'ai jamais été pris au sérieux. Il y a des gens, des fois, ils vous croient pas quand vous leur dites que vous faites, vous êtes un artiste, vous faites les portraits comme il faut, parce qu'ils sont tellement affaires à des gens qui savent vaguement dessiner à la place du théâtre, qui se font rouler par des artistes de pacotille. Vous comprenez. Un jour, j'ai vu une jeune fille dans le métro, je lui ai demandé de me montrer son portrait. C'était ni fait ni à faire. Parce que moi, monsieur, les portraits que je fais, on les garde toute sa vie. J'ai appris à dessiner par moi-même. Alors vous voyez, je suis capable de me mettre devant n'importe quel chef-d'œuvre au Louvre, le recopier au musée de Versailles à main levée. Alors je crois quand même que j'ai appris quelque chose tout seul. Sans l'aide. Vous avez toujours été seul dans la vie ? J'ai bien des copains, mais vous savez, ils ne nourrissent pas toujours. Hein. La famille. Ah mais c'est comme si j'étais seul, c'est pareil, c'est pire. Pire ! Parce que moi je suis issu d'une famille désunie, vous savez, et puis alors, je préfère vous dire qu'il ne faut pas que j'aie leur demander de me payer un repas, parce que c'est plutôt mal vu, apparemment. Mon frère à Brest, lui, c'est autre chose. Mais les autres, rien du tout. Ça ne vaut rien. On m'a demandé un jour si il était possible de ramener aux États-Unis l'épouse d'un Américain. Je dis, ça ne me semble pas difficile. Et je dis, c'est-à-dire qu'elle est dans une boîte. Alors, on m'a demandé, quelle boîte ? Ce pauvre homme avait perdu sa femme, l'avait fait incinérer. Il voulait savoir quelle formalité il fallait qu'il remplisse pour ramener les cendres, au sens propre du terme, de sa femme aux États-Unis. On nous demande tout. Il y a ici plus de 6000 renseignements de tous ordres. Je ne pourrais pas vous donner une liste, c'est effarant. Sans vouloir être indiscret, vous devez être parfois mis dans des situations délicates. Oui, oui. Souvent même, il y a des choses un petit peu délicates, un petit peu difficiles. On demande des renseignements auxquels on ne peut pas répondre. Vous voyez immédiatement à quoi on peut faire allusion. Alors là, les hôtesses sont pour consigne de m'appeler, et c'est moi qui me charge de mettre à la porte le récalcitrant. Il y a également des fous qui viennent ici, assez fréquents. Hein. Justement, je voulais vous demander pour terminer si votre vocation, votre profession en même temps ne fait pas un peu réfléchir sur la condition des êtres humains qui sont en déplacement. Oui, évidemment. On s'aperçoit d'abord qu'ils ne sont peut-être pas aussi heureux qu'ils se le promettaient en partant. Et là, je dirais que le seul fait de rencontrer quelqu'un qui les prenne au sérieux, qui croit en leurs difficultés et qui essaye de les aplanir, leur redonne le moral. Si vous voulez, je vous raconterai une petite anecdote. Un dimanche, j'étais passé par hasard et je vois mon hôtesse très ennuyée avec un couple d'étrangers, de nord-américains, de très mauvaise humeur, et qui trouvait tout ce qu'elle faisait mal, mauvais. Ils étaient nettement furieux et désagréables. Alors nous avons bavardé un moment. Et au bout d'une demi-heure, ces gens étaient devenus charmants. C'étaient des gens qui étaient fatigués, qui ne s'étaient pas assis depuis longtemps. Le seul fait de s'asseoir une demi-heure, en face de moi et de mon hôtesse, et de bavarder dans leur langue, avait quelque chose de très réconfortant pour eux. En fait, voyez-vous, je me demande si nous ne sommes pas à l'orée de la civilisation des loisirs, certainement, mais que malheureusement, cette civilisation tourne aux travaux forcés des loisirs. Un été à Paris. C'était une enquête de Harold Portnoy. Aujourd'hui, troisième émission, Mona Lisa de tous les cœurs, avec la participation de Pierre Darigrand, secrétaire général du comité de tourisme de Paris, ainsi que les témoignages de touristes étrangers, d'un électricien, d'une dessinatrice, d'un ouvrier en congé de maladie et d'un chômeur. Prise de son extérieur, Jean-René Hénaff, assistant Jacques Devin, réalisation Bernard Saxel. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 octobre 1967. Ici, à Rodez, on n'emprunte que des livres. Peut-être la télévision et ses deux chaînes détournent-elles quelque peu l'attention des lecteurs, mais dans tous les groupes sociaux, à tous âges, on sait trouver le temps de lire, parce que l'on aime lire, tout simplement. Il est vrai que nous nous trouvons dans une bibliothèque, ce qui implique cet amour pour la lecture et la curiosité du producteur de France Culture en service commandé pour une série de fin d'année ayant pour titre « Quinzaine de la lecture, quinzaine des lecteurs » au générique impressionnant. Lisez pour vivre. Dans la série « Documents et témoignages », Luc Decaune vous propose aujourd'hui « Dans une bibliothèque de province ». Un reportage à la bibliothèque municipale et départementale de Rodez. Le sentiment de calme et de ferveur, de retraite et de silence, qui s'attache à la lecture, rien ne peut en donner l'idée, il me semble, comme cette expression, une bibliothèque de province. C'est comme une porte qui s'ouvre sur un monde privilégié, où les soucis perdent leur pouvoir de contrainte, les passions leur aigreur. Dans un tel lieu, croirait-on, l'homme est en paix avec lui-même. La bibliothèque publique de Rodez, où nous nous rendons aujourd'hui, est assez conforme à cette image rêvée. Sise sur une place où l'animation de la ville est moins sensible qu'ailleurs, elle accueille, jour après jour, dans ses locaux modestes mais confortables, ceux qui trouvent auprès des livres leur réconfort ou leur plaisir. Des entretiens avec la directrice, avec la bibliothécaire, avec quelques habitués, vont nous permettre, je crois, de bien saisir la place et le rôle de cet organisme public dans une ville de province. Madame Thomasserie, vous êtes responsable de cette bibliothèque. Pouvez-vous m'indiquer approximativement le nombre de volumes qui s'y trouvent ? Nous en avons plus de 100 000. La catégorie la plus importante est constituée par les livres qui se sont accumulés depuis la Révolution française, par dons, réquisitions et achats. Ce sont des ouvrages d'études. Et il y a environ 20 000 titres qui sont des ouvrages de prêt et qui sont mis directement à la disposition des lecteurs. Ces ouvrages, c'est surtout des romans ? Des romans et des ouvrages documentaires et des ouvrages pour enfants. Mais surtout des romans. Surtout des romans. Est-ce que vous avez des crédits pour faire des achats chaque année ? Oui, des crédits suffisants. Le fonctionnement de cette bibliothèque ? Elle est ouverte tous les jours, sauf le lundi. Il y a un abonnement de 5 francs par an pour les gens qui désirent emporter des livres chez eux. Et le prêt sur place est gratuit. Et n'importe qui peut venir consulter les livres sur place. Pour les enfants, on demande une autorisation des parents, bien sûr. Et vous, madame, vous avez, je crois, à vous occuper plus spécialement des prêts de livres. Pouvez-vous me donner quelques indications à ce sujet ? Il faut distinguer les prêts qui sont faits sur place, les gens qui viennent consulter sans prendre de livres chez eux, et les prêts à l'extérieur. Oui. Alors, sur place, dans l'année 66... nous avons communiqué 5140 volumes. Et les gens ont pris chez eux à peu près 42 000 volumes dans l'année. Et ces chiffres, évidemment, sont en volume, mais ils représentent combien d'usagers, à peu près? Vous ne pourriez pas me dire. Il y a à peu près 15 000 personnes qui sont passées dans la bibliothèque en 1976. C'est ça, voilà. Et sur une population... De 40 000. On compte Rodez-District. Rodez-District, oui, enfin oui. Les banlieues, quoi. Oui, c'est ça, on compte Rodez-District. Sur 40 000, ça ne fait pas énormément. Oui, enfin, Rodez-Ville, c'est 25, oui. Est-ce qu'il y a des jours de grande demande ici Oh oui, le jeudi et le samedi sont les jours les plus... Probablement, ça correspond. Les écoliers viennent le jeudi après-midi, beaucoup. Les étudiants, le samedi, viennent passer le week-end et ils en profitent pour lire aussi. Et surtout, le samedi, les gens qui ne travaillent pas viennent chercher le livre pour la semaine. Alors, vous n'avez pas de gens de la campagne qui sont des usagers, en dehors des faubourgs? Mais on a noté simplement un abonné cultivateur donné le château. Vous pourriez me donner une idée de leur appartenance sociale à ces usagers? Depuis le 1er janvier 1967, nous avons compté 338 abonnés. Oui. Alors, sur ces 338, 78 sont sans profession, des dames qui... Les ménagères, alors, ménagères, des choses comme ça, oui. Ou des retraités Mais les retraités, alors, sont 19, ce qui donne carrément la profession de retraité. Parce qu'on leur demande leur profession. Oui. 71 sont étudiants, mais alors vraiment étudiants, parce que les scolaires, à partir de 18 ans, on les compte comme étudiants. Et beaucoup d'étudiants de Toulouse, de Montpellier, préfèrent prendre les livres à Rodez, parce qu'ils les ont plus facilement, que dans ces grandes villes universitaires où les bibliothèques sont très encombrées. Oui, il y a tellement d'étudiants. Ensuite, en troisième rang viennent les employés de bureau, fonctionnaires. Les enseignants sont 45 sur le nombre. Ensuite, les retraités. Et après les retraités, les ouvriers. Alors, on compte femmes de ménage, ceux qui travaillent... enfin, dans les usines, il y en a peu ici, mais qui sont employés chez un artisan, par exemple. Oui. Ensuite, les hospitaliers, infirmières en particulier. Oui. Ah oui, bien sûr. Les artisans, et les cadres ne sont que 12 sur le nombre. Peut-être parce qu'ils ont là une bibliothèque chez eux. Voilà. Ils viennent... Il peut y avoir le fait qu'ils peuvent en acheter. Oui. Les commerçants, les apprentis et un cultivateur à la fin. Oui. En somme, l'élément dominant, c'est... sans profession, les personnes sans profession. C'est ça, ceux qui ont le plus de temps, quoi. C'est ça, oui. Vous pensez que l'appartenance à un milieu social commande la fréquentation d'une bibliothèque ou même simplement la pratique de la lecture? Moi, je le crois, oui, parce que les ouvriers ont une mentalité, ils croient que ce n'est pas pour eux, ou alors ils ne se sentiront pas à l'aise, ou les livres pour eux, ils ont l'impression que c'est trop loin. Aux usagers, viennent-ils parfois vous faire part de leurs impressions de lecture? Ah oui, si on a conseillé à une personne un tel livre, elle nous dit s'il lui a plu ou s'il n'a pas plu. Puis on demande l'avis aux gens, par exemple sur les derniers livres, comme les prix Goncourt, choses comme ça, on leur demande si ça leur a plu. Alors souvent les prix Goncourt, choses comme ça, souvent ça les déçoit. Est-ce que en exerçant ce métier de bibliothécaire, vous avez appris beaucoup sur le comportement des gens? Moi, j'ai été frappée par un jeune, par exemple, un jeune apprenti qui, tout d'un coup, a découvert la lecture et qui lit jusqu'à 4 heures du matin et qui prend... il est au courant, par exemple, je veux un Faulkner, je veux un Steinbeck, un jeune de 16 ans qui a l'air vraiment passionné par... qui veut découvrir. Alors moi, ça m'a frappé, ça. Savez-vous si chez lui, on a encouragé ça, s'il sort d'un milieu où l'on lisait beaucoup ou... Non, ou je ne pensais pas. Spontané. Mais je crois qu'il a été... C'est une personne qui a dû l'aider. Ah, c'est très intéressant, évidemment, de voir un cas comme ça. Ah, n'avez-vous beaucoup des cas de ce genre? C'est assez rare, quand même, parce que je vois d'autres jeunes qui sont dans mes relations, et je les invite à venir, mais ils préfèrent... Alors, ils demandent s'il y a Astérix, ils demandent s'il y a les policiers de suite. Pour eux, les autres livres ne les intéressent pas du tout, quoi. Oui. Et quels sont les genres d'ouvrages qui sont le plus demandés, d'une façon générale? Vous avez les des romans, statistiques. Oui. Les romans les plus demandés sont Les Troyas, L'Artegui, Slaughter, Gaillard, tous ces romans d'aventure. Ce n'est guère encourageant. Cesbron, quand même. Cesbron est assez demandé aussi. Benoît, Kessel, Simenon, Gide, Sagan, Dumas, Martin Dugard, vous voyez, mais fait, mais ça, enfin, c'est déjà mieux. Oui, Beauvoir. C'est surtout les femmes qui lisent souvent de Beauvoir. Ah bon, oui, probablement, oui, c'est ça. Il y a un côté revendicatif à travers cette lecture. Est-ce qu'on vous demande parfois des livres de poèmes? Il y a une personne qui a demandé qu'on achète des revues poétiques, mais c'est la seule personne. Hein. Vous avez des recueils de poèmes dans votre bibliothèque? Ah oui, ou oh oui, vraiment, on en achète régulièrement. Hein. Et ils ne sont pas pris du tout? Oh non. Une habituée de la bibliothèque? Oui, je Vous êtes étudiante? Non, je travaille. Puis-je savoir votre profession? Au service du cadastre. Ah oui? Et alors, vous venez souvent à la bibliothèque? Oui, je viens, je relève des citations qui me plaisent, parce que je prépare des concours, alors j'ai des devoirs de français à faire, et ça m'aide pour faire mes devoirs. C'est uniquement pour votre promotion sociale? C'est ça, que vous, oui. Que vous venez à la bibliothèque? Oui, oui. Vous n'avez pas de lecture en dehors de cela? Oh si, je lis des romans, je prends des livres pour lire chez moi, mais ça, ce n'est pas pour mes devoirs. Quoi. Justement, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous lisez alors pour vos loisirs et non pas pour vos concours? Qu'est-ce que je lis? Des sujets d'histoire, des livres qui traitent l'histoire. Des romans, des livres de philosophie, de psychologie surtout. J'aime beaucoup la psychologie. Cela, c'est peut-être parce que ça vous aide aussi pour vos études, là, pour votre travail, là, non? Non, par goût personnel. Oui, par goût. Vous n'êtes pas désorienté par le vocabulaire de ces ouvrages qui sont quand même spécialisés et difficiles? Ça ne vous est pas difficile? Si, quelquefois, mais enfin, je vais chercher sur le dictionnaire. Enfin, j'essaie de comprendre Vous le avez fait possible. Des études jusqu'au bac. Jusqu'au bac. Bac, oui, mais enfin, vous avez quand même fait votre philo. Par conséquent, vous avez été un peu entraîné. Oui, oui, oui, oui. Et dites-moi, quand vous êtes dans un livre, vous oubliez tout ce qui est autour de vous? Ah oui, complètement. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, je ne peux pas lire s'il y a du bruit, il me faut le silence complet et... Je lis très très lentement pour assimiler bien toutes les phrases que je lis. Vous ne sautez par conséquent aucun passage? Oh non, au vous début pas je de le faisais, la mais j'ai en vu diagonale. Que ça ne me servait à rien finalement. Et il m'arrive d'ailleurs de lire un livre pour l'histoire, c'est-à-dire très rapidement, puis de le reprendre pour, très bien. Pour essayer de voir ce qu'il m'apporte. Est-ce que vous attachez de l'importance à la forme, à la manière dont c'est écrit? Le style? Oui. Oui, oui. Oh oui, ça... Ça m'aide, quoi. Ça m'aide après, pour mes devoirs et puis pour ma culture, quoi. Ça m'aide. Dépenseriez-vous, par exemple, l'argent d'un corsage, d'une robe, d'une paire de souliers à l'achat de livres? Vous priveriez-vous d'une paire de souliers? Si j'en avais vraiment besoin d'une paire de souliers, je non. Je ne parle pas d'en avoir besoin, mais disons un superflu parce qu'elle vous plaît. Voilà une jolie paire de souliers, j'ai envie de l'acheter, mais il y a ce livre. Est-ce que vous... Que feriez-vous? C'est plus agréable de... Je sais pas. Point de vue agréable, j'achèterais les souliers. Au point de vue utile, j'achèterais le livre. Et quoi, que choisiriez-vous, l'utile ou l'agréable? Vous n'osez pas dire que vous choisiriez les souliers. Hein? Non, je ne sais pas. Je crois que c'est ça. Hein? Oh non, peut-être pas. Ça dépend quel livre. Êtes-vous un usager de la bibliothèque de façon régulière? Oh oui, chaque 8 jours. Et qu'est-ce que vous lisez comme genre de livre? Bon, les films, les livres d'amour, de tout, quoi, d'aventure, de tout. Quelle est votre profession? Moi, je suis manœuvre à la Cise de la Rodez. Je me suis fait très bien, oui. Et votre âge? 19 ans. Ouais. Depuis que vous êtes sorti de l'école, est-ce que vous avez toujours lu? Oui. Oui, ça fait 2 ans. Je suis toujours à la bibliothèque. Ça fait 2 ans que je suis à la bibliothèque. Régulièrement? Oui. Régulièrement. Qu'est-ce que vous attendez d'une lecture, d'un livre? J'occupe les moments de loisirs. Oui, mais enfin... Est-ce que c'est pour vous évader de la vie que vous menez? Est-ce que pour augmenter vos connaissances? Vous connaître mieux vous-même? Vous ne savez pas très bien. Est-ce que... Comment vous choisissez vos livres? Au hasard? Oh non, je ne prends pas au hasard. Je cherche un livre qui me plaise. Qui... Vous en regardez beaucoup pour, Oui, je regarde beaucoup. Oui. Vous passez combien de temps dans la bibliothèque pour chercher vos livres chaque semaine là? Oh, deux fois une heure, deux fois demi-heure, je ne sais pas. Et vous lisez à quel moment? Le soir? Le soir, oui. Le dimanche aussi, non? Le dimanche, pas trop, parce que c'est sportif. Vous êtes vrai. Sportif, oui. Est-ce que vous avez d'autres distractions que la lecture, au point de vue loisir? J'ai les... Et en dehors des sports, également? J'ai les jeux dans les bistrots, là. Oui. J'ai peur, tout ça, le foot, tout ça. Vous allez au spectacle, non? Au cinéma, le samedi soir. Et la télévision, est-ce que vous la regardez? Chaque soir. Tous les soirs? Oui. Et pendant que, par conséquent, c'est du temps que vous ne consacrez pas à la lecture. Non. Et quand vous lisez après, alors, avant de... Avant, quand il y a un programme qui n'intéresse pas. Oui. Alors. Et au lit? Vous lisez au lit de préférence? Non? Couché, oui. Non? Oh oui, couché, souvent. Je ne travaille pas, par exemple, samedi matin, deux temps. Je lis au lit. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de lectures qui vous ont frappé particulièrement? De livres qui vous ont beaucoup plu? Me souvenir. J'en ai lu tellement. Vous lisez tout ce qu'il y a ou bien vous sautez des passages? Je saute des passages. Oui, lesquels? Ceux qui ne m'intéressent pas en particulier. Oui, mais comment dirais-je? Qu'est-ce qui ne vous intéresse pas dans un livre, par exemple? Pour les trop longues phrases, là. Trop longs passages, quoi. Descriptions, des choses comme ça. Descriptions, oui. Quand on étudie les caractères des personnages, non? Oui. Qu'est-ce que vous cherchez alors dans le livre, avant tout? Une histoire? Oui, une histoire. Mais alors, pourquoi ne lisez-vous pas, par exemple, des bandes dessinées? Ça m'intéresse, oui. Oui, vous en lisez aussi? Oui, j'achète beaucoup de livres aussi. Vous en achetez beaucoup? Oui. Quel genre de livres? De tous les romans, films surtout. Parce qu'il y a des images, j'aime les images. Vous venez régulièrement à la bibliothèque? Oui, monsieur. Pour lire quoi? Pour lire d'abord les nouvelles. Et est-ce que vous empruntez également des livres? J'en prends, oui. J'en prends chez moi. Régulièrement aussi? Ah oui, oui, oui. Quel genre d'ouvrage lisez-vous? Des ouvrages d'histoire, surtout. Des ouvrages d'histoire, j'aime bien des livres un peu, comment dirais-je, un peu amusants. Par exemple, les fables de la Fontaine, déjà. Pardon, les? Les fables de la Fontaine. J'aime également, quoi? L'effet libre du pays, la BBC. Qu'est-ce que j'aime encore? Les romans. Les romans d'entre les deux guerres, même. Après-guerre. Vous n'aimez pas la littérature moderne? Moins. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je ne sais pas, c'est peut-être moins de mon âge. Parce que ça ne parle pas de choses que vous avez connues ou parce que c'est trop difficile comme lecture? Pas précisément, mais enfin... Les livres d'entre les deux guerres, c'est plutôt de mon âge. Qu'est-ce que vous appelez les livres d'entre les deux guerres? Les auteurs de... Les auteurs, oui. Oui, c'est ça. Pouvez-vous m'en citer quelques-uns, madame, qui vous ont plu particulièrement? Bernanos, par exemple. Mmh. Quoi encore? Ça ne me vient pas à l'idée. Oui, mais Bernanos, c'est très bien. Mais qu'est-ce que qui vous plaît dans Bernanos, précisément? Ce sont les romans. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas vous expliquer. C'est la radio ou la télé? Oui, oui, non, la radio, madame, la radio. Madame, vous êtes une habituée de la bibliothèque? Oui, monsieur. Vous prenez des livres régulièrement ou... Oui, à peu près tous les 10 ou 15 jours. Et ce qui représente combien de livres que vous lisez dans l'année? Non, mais enfin, en gros, quoi. Vous emportez un, deux, trois livres chaque fois? Ah oui, au moins deux. Qu'est-ce que vous lisez comme genre? Une centaine de livres. Des romans étrangers, des romans français, et quelquefois un roman policier par hasard, mais enfin surtout des romans de caractère ou de mœurs ou... Parfois un livre sur la poésie, le théâtre aussi est intéressant, les romans étrangers aussi, enfin, des romans anglais, j'ai un roman russe dans les mains justement. Qu'est-ce que c'est? Dostoïevski. Ah oui. L'Éternel Marie. Très bien. Est-ce que ce livre vous l'avez cherché parce que vous avez vu le film? Non, justement, je n'ai pas vu le film, mais j'ai déjà lu d'autres livres de Dostoïevski et ça m'intéresse beaucoup, le roman russe. Pour le choix de vos livres, vous vous basez sur quoi ? Sur ce que vous en avez entendu dire ou bien vous allez un peu au hasard et... ou d'après des souvenirs antérieurs enfin... Oui, je crois, d'après les souvenirs antérieurs, souvenirs de classe, des cours de littérature en classe et puis aussi des critiques littéraires que nous lisons dans les journaux. Ah, les critiques vous influencent beaucoup ? Oui, j'ai quand même envie de lire les prix, par exemple, les prix littéraires que l'on attribue chaque année, et ça donne envie de les lire. Et vous n'êtes pas déçu ? Quelquefois, si. Quelquefois, non, ça dépend. Ça dépend de l'année, ça dépend du prix. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que vous attendez de la lecture ? Étant donné que votre choix est très varié, très vaste, vous allez un peu dans tous les domaines, qu'est-ce que vous attendez de la lecture ? J'attends justement une plus grande culture et puis aussi je pense que par là je m'intéresse à pas mal de problèmes et aux autres en général, à la vie des autres et problèmes de la psychologie humaine en général. Lisez-vous aussi pour oublier vos soucis, votre vie quotidienne ? Oui, parfois, quand je prends un roman policier, quelquefois, oui, mais assez peu souvent quand même. Madame, vous êtes une lectrice assidue de la bibliothèque ? Oui, oui, très assidue. Vous lui prenez environ combien de livres par semaine, par mois ou par an ? Je ne sais pas. Quelquefois, je me fais un peu rappeler à l'ordre, mais enfin, dans l'ensemble, tous les 15 jours, j'en prends bien deux, puisque j'ai droit à ça à peu près, enfin, à plus, mais je n'ai pas le droit de les garder plus de 15 jours. Est-ce que vous achetez des livres par ailleurs ? En plus, j'en achète, oui. Beaucoup ? Oui, un certain nombre, je ne sais pas... une quinzaine de livres, peut-être. Par an ? Oui, sûrement. Est-ce que vous achetez du livre de poche aussi ? Ah oui, j'achète du livre de poche. Vous trouvez que c'est une bonne initiative ? Ah oui, moi je trouve, oui. Parce que quand on en achète beaucoup, évidemment. Enfin, nous sommes aussi abonnés à des clubs, alors nous recevons des livres dans de plus belles éditions. Le livre est très classique. Le livre tient donc une grande place dans votre existence. Ah oui, grande, très grande. Et qu'est-ce que vous attendez de la lecture ? Qu'est-ce que vous lui demandez exactement ? Ah, de me renseigner sur tout ce qui est humain, moi, personnellement. C'est ça qui m'intéresse. Oui. L'économie des pays étrangers en particulier, et les mœurs aussi. J'ai lu, par exemple, des livres de Josué de Castro là, sur le Brésil. Oui. Et beaucoup d'autres sur le Brésil. Des études de société... Et puis j'aime les livres de psychologie aussi, voilà. Oui. Tout ce qui est sciences humaines. Le roman ne tient pas une grande place dans ces lectures-là ? Non, personnellement, non. Vous n'en lisez pas du tout ? Très peu, oui. Je suis souvent déçue, j'avoue, par les romans. Enfin, c'est une tournure d'esprit. Même les grands romans ? J'en ai lu beaucoup et puis maintenant, je n'ai plus envie d'en lire. Vous arrive-t-il de lire pour vous évader de votre réalité ? Ah non, pas tellement, non. Vous êtes satisfaite de votre condition ? Oui, très. Donc, vous n'avez pas besoin d'en sortir ? Non. Enfin, très satisfaite. On se pose toujours des questions, mais enfin, je ne lis pas, moi, pour m'évader, non ? Nous avons, d'autre part, à Rodez, une action qui est très intéressante, qui est une action extérieure, qui rayonne sur tout le département, et organisée par la direction des bibliothèques. Voilà. Et je crois que vous êtes responsable de cette action ici, madame. Oui, monsieur. Ça s'appelle la centrale de près de l'Aveyron. Bibliothèque centrale de près de l'Aveyron, oui. Actuellement, nous couvrons pratiquement tout le département, et nous avons 200 dépôts dans le département. Des dépôts qui sont dans des villages ? Des dépôts dans des villages, nous les faisons soit à l'école, ce sont les plus nombreux, soit à la mairie. Comment avez-vous choisi d'abord ces points de dépôt ? Eh bien, mon prédécesseur, qui a démarré la bibliothèque, a choisi les points dans un rayon de 50 km environ de Rodez pour la facilité d'implantation des premiers dépôts. Il ne fallait pas qu'ils soient trop loin pour ne pas nous donner des problèmes de distance. Et le choix, alors, des ouvrages que vous mettez dans ces dépôts, comment l'avez-vous établi ? Eh bien, en fonction des lecteurs, évidemment. Il est bien évident que pour des lecteurs ruraux, il n'est pas question de leur acheter des ouvrages trop spécialisés ou des romans modernes trop difficiles. Encore que nous en ayons quelques-uns, mais en peu d'exemplaires. Eh bien, ce qu'on achète, mon Dieu, c'est les best-sellers. Oui, uniquement ? Non, pas uniquement, mais d'abord, parce que je pense qu'un roman qui a du succès dans la France entière aura du succès en Aveyron. Oui, et ils nous demandent très très souvent, enfin en grande majorité, des récits de guerre, soit 14-18, soit 39-45. C'est très curieux ça. Ils s'intéressent beaucoup à cette période-là. Eh bien, oui, parce que je pense que ça a été leur période de vie. Ils sont enfermés dans leur montagne. Ils n'ont pas l'occasion de voir le monde, et la guerre a été l'occasion de les mettre en contact avec le monde extérieur. Moi, je crois qu'ils revivent leur expérience avec les récits de guerre. Malgré les douleurs et les peines qu'ils ont pu y connaître. Ah oui, oh oui, ça, pour eux, c'est le bon temps, c'est sûr. Votre clientèle est essentiellement rurale. Essentiellement rurale. Nous n'avons pas de dépôt dans des villes de plus de 15 000 habitants. Mais quand vous dites rural, entendez-vous paysanne ou bien artisanat, commerçant? Paysanne, nous avons 1210 agriculteurs. Sur 2822 lecteurs adultes, nous avons 1210 agriculteurs. Donc à peu près presque la moitié, oui, presque la moitié. Et le reste est constitué alors? Oh, alors ce sont des ménagères, des fonctionnaires et beaucoup de retraités aussi. Dans la série Documents et témoignages, Luc Decaune vous a présenté Dans une bibliothèque de province. Un reportage à la bibliothèque municipale et départementale de Rodez. C'était Quinzaine de la lecture, Quinzaine des lecteurs. Assistant Claude Casadesu, réalisateur Bernard Saxel. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 décembre 1967. Pour que les lecteurs de Rodez et d'ailleurs trouvent leur bonheur en librairie ou en bibliothèque, il faut que les écrivains écrivent et que les éditeurs éditent. Où va la littérature ? Tel était le thème d'un débat animé en 1967 par Gaëtan Picon, réunissant Yves Berger, Romain Gary, François Nourricier et Alain Robbe-Grillet, que nous écouterons avec attention samedi prochain. Débat suivi d'un autre débat en marge du Festival d'Avignon, auquel participaient Jack Ralit, Michel de Beauvais et Georges Jean. Bref, littérature et théâtre samedi, puis dimanche, l'actualité internationale. La Grande-Bretagne intégrera-t-elle le marché commun ? Quelle suite craindre de la guerre des six jours ? Que pensait Malraux de Mao ? Che Guevara est-il mort ? Et enfin, en quoi allait constituer le premier congrès des écrivains à Cuba. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassan, réalisation Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter en ligne ou télécharger cette série sur le site franceculture.fr à la page de l'émission.